j'avais appris sur le tard que il y avait des vacances de, dites de Mardi Gras, justement, parce que c'est pas le Mardi Gras. Alors j'ai maintenu ma... je ne sais pas quoi, mon séminaire, enfin, je l'ai maintenu aujourd'hui, parce que j'espérais que grâce à ça, je pourrais peut-être me promener au milieu de vous, parce que vous seriez moins nombreux. Et en somme, parler un peu avec les gens qui sont censés m'écouter. Vous êtes un peu moins nombreux, c'est vrai, ce qui d'ailleurs me permet de le faire. Enfin, je regrette de ne pas avoir eu cette occasion de m'exprimer d'une façon un peu plus familière et directe. Voilà. Là-dessus, je vous annonce que je viens de sortir une espèce de plaquette comme ça que je vous envoie. Il y a un encart dedans, mais l'encart est aussi intéressant que la plaquette, de sorte que ça va aussi bien si ce n'est pas les mêmes qui l'ont reçu. Voilà. En principe, ça doit passer à la télévision. Donnez l'encart à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est des questions que Jacques-Alain Miller a eu la bonté de me poser dans l'espoir de faire télévision. Naturellement, c'est un espoir tout à fait abusif. Il m'a posé les questions qu'il est capable de me poser à partir de l'idée que fait la question. Il m'a posé des questions kantiennes en particulier, comme si tout le monde était kantien. Mais jusqu'à un certain point, c'est vrai, tout le monde est kantien, de sorte que les questions qu'il m'a posées m'ont donné simplement occasion de répondre au niveau présumé télévision par Jacques-Alain Miller. Le résultat a paru quand même digne d'être retenu puisque je l'ai fait public. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un peu aujourd'hui en essayant de rester dans la note de ce que j'espérais. Ce que j'espérais vous dire, c'était en somme, c'était quelque chose, disons, en gros, comme ça, dont la visée, enfin, vous en ferez le titre que vous voudrez, dont la visée était de vous dire la différence. C'est ça qui paraît important dans ce que j'essaie de vous apporter cette année. Vous dire la différence qu'il y a entre le vrai et le réel. Comme vous en êtes peut-être aperçu, n'est-ce pas, je me suis avancé cette année avec vous. Je me suis avancé cette année avec, comme dans La pêche et soie de Courteline, n'est-ce pas, le truc d'un côté et le machin de l'autre. C'est tout ce qu'elle a réussi à obtenir, la petite bonne femme, en achetant je ne sais quel lustre, enfin, qui justement se met en deux morceaux. Enfin, contrairement à elle, mes trois morceaux, à savoir les trois ronds consistants dont s'ajuste le nœud borroméen, c'est ce que je tiens dans la main pour vous parler de ce que les non-dupes errent. Ça n'a pas l'air d'avoir un rapport direct, immédiat tout au moins, ça ne saute pas aux yeux. Mais vous savez peut-être qu'un de ces trois ronds, je le dénomme, je le le dénomme du réel, les deux autres étant l'imaginaire et le symbolique, et c'est que c'est autour de ça que j'essaie de vous faire sentir quelque chose. De vous faire sentir ceci, d'abord, que j'ai déjà proféré, mais qui vous a pas forcément sauté aux yeux, c'est que justement, je les prends sous seulement cet angle, qu'ils sont trois et également consistants. C'est une première façon d'aborder ce qu'il en est du réel. Il est bien certain que le réel, c'est ce qui les fait trois. Sans que pour autant ce qui les fait trois soit le troisième. S'ils se rajoutent, ce n'est que pour faire trois. Mais justement, ils ne se rajoutent pas. Parce que chacun des trois se rajoute tout autant, sans pour autant être le troisième. Il n'est là que parce que les deux autres ne font pas nœud sans trois, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que la logique ne peut se définir que d'être la science du réel. L'embêtant, c'est qu'elle parle et qu'elle part que du vrai. Elle n'a pas tout de suite commencé comme ça. Il y avait peut-être, comme tout de même dans l'ensemble, enfin vous le savez, il y avait un homme et Aristote qui a frayé la question. Évidemment, le mot de vrai, aletès, traîne pas mal dans son machin qu'il a appelé l'organon, et dont on a fait depuis la logique. Lui frayait. Il se débrouillait comme il peut et l'ennui actuellement. Dans notre affaire avec l'organon, c'est que ça ne peut pas paraître sans que la moitié de la page soit tenue par des commentaires de l'organon qui ne sont pas du tout à proprement parler ce qu'on peut appeler commentaires, mais une certaine façon d'organifier sur l'organon, c'est-à-dire de le rendre comestible. Ça commence à un certain Alexandre, à un autre qui s'appelle Simplicius, et plus tard à un nommé Bassius, puis après à tout ce qu'on veut, à Pierre d'Espagne, à saint Thomas d'Aquin. Enfin, grâce à ça, la chose a été complètement déviée. C'est au point que ce n'est pas du tout facile, parce que malgré tout, on a une espèce de, comme ça, de frottis. On s'est frotté à ces divers auteurs et on les entend. On entend Aristote, malgré tout, à travers eux. Ça serait bien si quelqu'un arrivait à faire l'effort, en somme, de lire exemple, il y a ceci qui est le second volume de cet organon. À lire ce qu'on appelle, c'est parce qu'on l'a intitulé comme ça, c'est aussi un titre qui est venu après coup. On appelle ça les premiers analytiques. Arriver à le lire, non pas bien sûr de première impression, parce que quelqu'un qui le lirait de première impression, simplement, n'y comprendrait pas plus que ce que, dans l'ensemble, enfin, vous comprenez à ce que je raconte, c'est-à-dire pas lourd. La chose absolument qu'il faudrait qu'un jour quelqu'un arrive à faire, c'est justement à connaître assez bien la différence de ce que dit Aristote avec ce que nous ont transmis, enfin, ceux qui ont ressassé le truc, hein, voir assez bien la différence pour voir combien Aristote frayait et comment il frayait et pourquoi pas même les endroits où il glissait, où il s'est tordu le pied. C'est un monde. Oui. Il est tout à fait clair que je n'en rajoute pas là. Ou plutôt que ce que je rajoute, ce serait destiné à proposer, enfin, tout au moins, une tâche, enfin, savoir jusqu'à quel point, et dans Aristote, me semble, on peut le saisir, à quel point c'est un frayage. Et un frayage qui ne s'éclaire qu'à partir de ceci que j'ai énoncé juste à l'instant, que la logique, c'est proprement la science du réel. Dans Aristote, on n'est pas tellement encombré par le vrai. Il ne parle pas de vrai à propos du prédicat. Il a anon, bien sûr, et à cause de ça, on s'est cru tout à fait obligé, enfin, de faire pareil. On parle de l'homme, de l'animal, du vent à l'occasion, et encore, je dis là des choses qui ont tout de suite un vague sens. Ça s'emboîte, l'homme, l'animal, le vent. Tout animal est vivant, tout homme est animal, bien en quoi tout homme sera vivant. Oui. Il est tout à fait clair dès ce départ, comme la suite d'ailleurs l'a bien montré, que tout ça ne veut rien dire. En d'autres termes, que le vrai dans l'affaire est tout à fait hors de saison, déplacé. Et ce qu'il rend tangible, c'est que ces cases, qu'il remplit comme il peut avec ses, par exemple, ces trois mots que je viens de dire. Homme, animal et vivant, n'est-ce pas? Il peut aussi bien mettre n'importe quoi, n'est-ce pas? Le cygne, le noir, enfin n'importe quoi d'autre. Le blanc traîne partout. On ne sait pas qu'en faire. Il est rendu manifeste dans ce que j'ai appelé son frayage que ces termes, tout son effort est justement de pouvoir s'en passer, c'est-à-dire qu'il est vide de sang et il est vide de de sens par ce moyen qu'il les remplace par des lettres, à savoir alpha, bêta, gamma, par exemple, au lieu de mes trois premiers termes là, que j'ai extraits, qui sont dans Aristote. Il dit, n'est-ce pas, ça ne commence à prendre forme qu'à partir du moment où il énoncera que tout B, tout A est B, tout gamma est B, non, tout B est gamma, moyennant quoi, tout A sera gamma. En d'autres termes, il procédera de la façon à pouvoir qualifier deux de ces termes, ceux qui font le joint de moyen, moyennant quoi, il pourra établir une relation entre les deux extrêmes. C'est en cela qu'au départ, dès le départ, se touche qu'il ne s'agit pas du vrai, car peu importe qu'un animal soit blanc ou pas, chacun sait qu'il y a des signes noirs, des signes CYGNE. L'important est que quelque chose soit articulé grâce à quoi s'introduit comme tel le réel. Ce n'est pas pour rien que dans le syllogisme, il y a trois termes, les deux extrêmes et le moyen. C'est qu'en fin de compte, en fin de compte, parce que ce n'est qu'un premier essai, tout se passe comme s'il avait quelque chose, comme un pressentiment du nœud borroméen. C'est à savoir que tout de suite touche du doigt, à partir du moment où il aborde le réel, qu'il faut qu'il y en ait trois. Évidemment, ces trois, il les manie tout de travers. C'est à savoir qu'il s'imagine qu'ils tiennent ensemble deux par deux. C'est une erreur. Il s'imagine qu'ils tiennent ensemble deux par deux et même jusqu'à un certain point, on peut traduire la chose en disant qu'il les fait concentriques, à savoir qu'il y a la sphère des vivants, par exemple, puis à l'intérieur, la sphère des animaux, la sphère ou le rond, et puis à l'intérieur encore, la sphère des hommes. C'est ce qu'on appelle le traduire en extension. Naturellement, on s'y est employé, parce qu'on en est aussi embarrassé d'un terme dont je me sers beaucoup, mais pas sans raison d'être. On en est embarrassé comme le poisson d'une pomme. Pour vous délasser, je fais ici une franche parenthèse. Ça n'a rien à faire avec Aristote. Hein, parce qu'Aristote de ça n'a pas la moindre espèce d'égo. Moi, je suis embarrassé, par exemple, de votre nombre, tout à fait comme un poisson d'une pomme. Pourtant, il y a d'autres moments où je vous dis que les rapports temps, justement, dont je ne sais que faire, sont de l'ordre des rapports de l'homme avec une femme. Je vous ferai remarquer ceci, comme ça, que j'ai trouvé ce matin. Ça m'a sauté aux yeux que, que c'est déjà dans la Genèse. Ce que nous indique la Genèse par l'offre d'Ève, ça n'est rien d'autre que l'homme. Là, il y a un flottement. À ce moment-là, c'est la femme. Et comme je vous l'ai dit, la femme n'existe pas. Mais de même qu'Aristote, vasouille un peu. On ne voit pas pourquoi la Genèse, quoique inspirée, en aurait fait moins. Et que cette offre de la pomme soit très exactement ce que je dis, à savoir qu'il n'y a pas de rapport entre l'homme et la femme, ceci qui s'incarne très manifestement au fait que, comme je l'ai souligné, la femme n'existe pas. La femme n'est pas toute. C'est de ça qu'il résulte que l'homme avec une femme en est aussi embarrassé qu'un poisson d'une pomme, ce qui normalise nos rapports. Et ce qui me permet de les vaciller à quelque chose dont ça serait beaucoup dire. Que dire que c'est l'amour, parce qu'à la vérité, je n'éprouve pas pour le moindre sentiment d'amour. Sans doute, est-ce réciproque, comme je l'ai énoncé. Dans ce qu'il en est, l'amour, les sentiments sont toujours réciproques. Ceci est une parenthèse. Revenons à Aristote. Aristote, quoi, montre bien que le vrai, c'est pas de tout ça qui est en jeu. Grâce au fait qu'il fraye l'affaire de cette science que j'appelle du réel. Du réel, c'est-à-dire du droit. Du même coup, il démontre qu'il n'arrive au droit qu'en frayant les choses au moyen de l'écrit. À savoir, dès les premiers pas dans l'illogisme, c'est parce qu'il vide ces termes de tout sens en les transformant en lettres, c'est-à-dire en des choses qui par elles-mêmes veulent rien dire. C'est comme ça qu'il fait les premiers pas dans ce que j'ai appelé la science du réel. Qu'est-ce que la logique ainsi conçue, attrapée par ce bout-là, qu'est-ce que la logique a à faire dans le discours analytique? Ce par quoi vous êtes en somme ma plainte, si nombreux à m'entendre, c'est dans la mesure où ce que je véhicule, c'est ce qui dégage du discours analytique. Dans le discours analytique, les choses procède d'une façon différente. Et c'est pourquoi vous êtes là. Pour autant que, ici, je le prolonge, ce qui fait le corps de ce que je dis, c'est tout à fait autre chose que ce sur quoi jusqu'à présent, on a fondé une logique, c'est-à-dire des dits qu'on manipule comme je viens de dire, la caractéristique de son pas, c'est de vider ses dix leurs sens. Et c'est par là qu'il nous donne idée de la dimension du réel. Il n'y a pas de voie pour tracer les voies de la logique, sinon de passer par l'écrit. C'est ce qu'Aristote démontre dès ses premiers pas. Et c'est en quoi l'écrit se montre d'une autre dimension que le dire. Par contre, ce qui vous retient, ce qui vous agite, ce qui agitera sans doute de plus en plus, c'est que le dire vrai, c'est tout autre chose. Le dire vrai, c'est, si je puis dire, la rainure. C'est ce qu'il a défini, la rainure, par où passe ce qu'il faut bien qu'il supplée à l'absence, à l'impossibilité d'écrire comme tel rapport sexuel. Si le réel est bien ce que je dis, à savoir qu'il ne se ferait que par l'écrire, c'est bien ce qui justifie que j'avance que le trou que fait à jamais l'impossibilité d'écrire le rapport sexuel comme tel, c'est là à quoi nous sommes réduits quant à ce qu'il est de ce rapport sexuel, de le réaliser quand même. Il y a des canalicules, il y a des choses qui font chicane. Il y a des trucs où on se perd, mais où on se perd de façon telle que c'est là proprement ce qui conçut la métaphore dite du labyrinthe. On n'en arrive jamais au bout, mais l'important n'est pas là. Démontrer pourquoi on n'en arrive jamais au bout, c'est-à-dire de serrer près quand il s'agit tout ce par quoi nous touchons au réel, de ce qui sans doute fait que du réel nous avons comme tel une idée propre et distincte, le réel c'est ce qui se détermine de ce que ne puisse pas d'aucune façon y écrire le rapport sexuel. Et c'est de là que résulte ce qu'il en est du dire vrai, tout au moins ce que démontre la pratique du discours analytique, c'est que c'est à dire vrai, c'est-à-dire des conneries, celles qui nous viennent, jute comme ça, qu'on arrive à frayer la voie vers quelque chose dont ce n'est que tout à fait contingent que, quelquefois et par erreur, ça cesse de ne pas s'écrire, comme je définis le contingent, à savoir que ça mène entre deux sujets à établir quelque chose qui a l'air de s'écrire comme ça. D'où l'importance que donne à ce que j'ai dit de la lettre d'Amur. Cette distinction qui spécifie là parce que... parce qu'ils ont bien l'air comme ça de vivre. Et non seulement ils ont l'air, mais ils sont infiniment plus robustes. Enfin, quel discours analytique qui a encore tout à faire quant à son frayage. Discours analytique non seulement réserve la place de la vérité, mais il est à proprement parler ce qui permet de dire ce qui, pour ce qui est du rapport sexuel, y coule, remplit la rainure. C'est tout à fait important. C'est tout à fait important parce que ça change complètement le sens de ce dire vrai que je viens d'abord de poser comme distinct de toute science du réel. Ça en change complètement le sens parce que comme je viens de le dire, pour une fois, cette rainure n'est pas vide. Il y passe quelque chose. Si certains d'entre vous se souviennent de ce que j'ai avancé, structuré comme le discours maître, ils peuvent y lire. Capables de lire quelque chose, ils peuvent y lire la vérité du maître, ça n'est rien d'autre que le sujet. Je rappelle que le discours du maître, ça, avec deux flèches aussi, deux flèches comme ça. Ce sur quoi repose le discours du maître, c'est ce que j'ai appelé S1. S indice 1. Autrement dit, le commandement, l'impératif. Le discours du maître est là, et pour un bout de temps. Simplement parce que le signifiant existe. Parce que S-E, c'est-à-dire le signifiant 1, ça n'est rien d'autre que le fait que le signifiant, il y en a des tas, mais qui sont tous un quelconque. Et c'est tout ce sur quoi repose l'existence du un. C'est qu'il y a du signifiant. Et que chacun n'est pas unique, mais tout seul, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est justement parce que il n'y a pas deux quoi. Deux êtres parlants qui puissent se conjoindre, faire deux, c'est justement pour ça qu'il y a des signifiants, c'est-à-dire qu'ils parlent. Et ce que démontre le discours analytique, c'est que ce qui se passe quand à la place de ceux qui pourraient être sujets de quelque chose, du rapport sexuel, quand à leur place, il y a deux signifiants, eh bien c'est ça, et c'est rien d'autre, qui coule dans ce que j'ai appelé la rainure du dire vrai. Pour ça, il faut que le S2, faut que le S2 n'ait rien à faire avec le dire vrai. Autrement dit, que le S2 soit réel. Et si vous me suivez dans ce que j'ai tenté de frayer, dans mes premiers vagissements dans ce scénario, vous concevrez que le S2, c'est ça que j'ai écrit dans mon cher du discours analytique, que le S2, c'est à savoir le savoir en tant qu'inconscient. C'est ça qui coule dans la rainure du dire vrai. Ça ne dit pas rien ce que je suis en train de vous raconter. Ça veut dire que c'est un réel. Il y a du savoir qui a beau n'y avoir aucun sujet qu'il sache, il reste être du réel. C'est un dépôt, c'est un sédiment qui se produit chez chacun quand il commence à aborder ce rapport sexuel auquel, bien sûr, il n'arrivera jamais, quelque éducation qu'on lui donne. Parce que s'il y a bien quelque chose qui n'améliorera rien la situation du rapport, c'est bien tout ce qu'on peut leur déconner sur le sujet de ce que ce rapport serait soi-disant. Il en restera pas moins que c'est par des biais tout à fait incidents qu'entrera pour lui ce qui fait le droit, à savoir le réel. Parce que bien sûr, Dieu merci, quand il commence l'être parlant, il n'a pas la moindre idée qu'il est un sujet. Il compte un et deux, ce que vous voudrez, mais pas lui, et comme trois, il y mettra ce qu'on voudra, enfin, voir ce qu'y mettent les deux autres, à savoir lui-même, l'enfant, comme qui dirait, c'est un bon prétexte à faire entrer le réel tout en le voilant complètement. Ce n'est qu'un enfant, le réel. Si ce n'est pas l'enfant lui-même, ce sera n'importe quel tiers, ce sera la tante Yvonne, enfin, n'importe quoi d'autre, grand-père machin. Du moment que ça fait trois, tout est bon. Pour ne pas s'apercevoir qu'il ne s'agit que de trois comme réels. Moyennant quoi, il y a des choses qui, par la tante Yvonne, par le grand-père machin ou par l'enfant lui-même, à savoir sont pathétiques. Se voir qu'il est relégué, personne n'y comprend rien. Et pour cause, il n'y a rien à comprendre. Il y aura tout de même quelque chose qui s'imprimera, c'est-à-dire non pas trois, parce que le trois est toujours voilé par quelque côté, le poids, le trois se dérobe, le trois c'est le support. Il y aura S2. S1, 10, 2, 2 S, 2 signifiant grand S, qui s'imprimeront et qui donneront, on la voit, du pur hasard, à savoir de ce qui, avant tout, clochait dans ses rapports avec ceux qui ont appris ce qu'on appelle son éducation, sa formation. Il se formera ce savoir indélébile, et en même temps absolument pas subjectivé, il se formera savoir réel, là, imprimé quelque part, imprimé tout comme dans Aristote, la l'alpha, le bêta et le gamma, et c'est ça qui sera l'inconscient. Et il n'aura rien d'autre. Hein? Comme disait le personnage qui passait à la douane. En disant ça, c'est la nourriture pour ma chèvre, c'est de quoi le douanier est. C'est étonnant parce que c'est bretelles. C'est comme ça. Et si elle n'a pas ça, elle n'aura rien d'autre. Ben c'est pareil pour le savoir inconscient. Comme vérité, il n'aura rien d'autre que ses bretelles. Le savoir inconscient, c'est de ça qu'il s'agit, faire le joint, pour que le dire vrai réussisse à quelque chose, c'est-à-dire réussisse à se faire entendre quelque part pour suppléer à l'absence tout rapport entre l'homme et une femme, c'est pas tout. Là, la distance, la différence, a entre le dire vrai et la science du réel. C'est pour ça que, pour ce qui est traité l'inconscient, nous en sommes beaucoup près à manipuler la logique que toute autre chose, parce que c'est du même ordre. C'est l'ordre de l'écrit, comme je vais remarquer ailleurs. Le grand frayeur discours analytique, Freud lui-même n'a pas pu l'éliminer, car quand il donne des schémas, n'est-ce pas, dans ses esquisses, celles par lesquelles il a essayé de comprendre ce que ça pouvait bien être que le savoir de l'hystérique, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait exactement rien d'autre que ça, à savoir point et flèche. Ces modes décrits, grâce à quoi il rencontre, il croit en de quelque chose qui était vieux comme le monde, à savoir l'anamnèse. Il est évident que depuis longtemps, on considère l'anamnèse comme une marque, comme une impression. Il faut bien dire que c'est tout à fait flottant à 6 ans. Là, le cher Freud confirme en quelque sorte que c'est bien de ça qu'il s'agit, quand il s'agit du réel, qu'il s'agit de quelque chose qui s'écrit. Quelque chose qui s'écrit agit déchiffrant, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire que c'est quelque chose qui, en le, si je puis dire, en le réanimant dans le sens de quelque chose, c'est quelque chose qui fait barrage à tout essai de déboucher sur le rapport proprement dit, en le réanimant grâce à ce quelque chose qui est cette espèce de parasite, de meuble du corps, que le discours analytique désigne par le phallus, fait que qui faisait bouchon, qui est à proprement parler la jouissance, et la jouissance phallique comme telle, ce qui faisait bouchon grâce à quelque chose que le discours arrive à obtenir, n'est-ce pas, à savoir à le séparer dans l'imagine, à faire cette castration symbolique, permettre quelque chose, réussisse ou rate le plus souvent, qui établit au moins entre deux sujets quelque chose qui ressemble au rapport, quelque chose qui cesse de ne pas s'écrire pour quelques cas rares et privilégiés. Je parle bien sûr, là, de ce qui s'obtient par la bonne voie, par le discours analytique. Parce qu'il faut bien dire que se soucie la vérité, dans les autres discours, c'est beaucoup plus aisé à obtenir. Dans le discours du maître, voire pourquoi pas dans le discours universitaire. Dans le discours de l'hystérique, hein, ça fait un... Mais dans les deux autres bons vieux discours, le roi et la reine, mais ça va tout seul. Suffit de roi et reine pour s'entendre. Même impensable qu'ils ne s'entendent pas. Bien sûr, ça n'a rien à faire avec la vérité du rapport sexuel. Mais l'important, c'est pas ça, hein. C'est que ça y supplée. Alors, parce que dans des cas, le savoir inconscient est boiteux. Non seulement il est boiteux, mais il fait nettement obstacle. Est-ce que le rapport sexuel s'établit? Alors, dans ces cas-là, on a affaire à la nécessité de passer par le discours analytique, à savoir, on a besoin de dire vrai, et surtout un peu de soupçonner quelle mauvaise fréquentation à le dire vrai, à savoir que tout ce qui a troublé perturbé. Le discours, mon Dieu, calme et tranquille, auquel normalement nous avons affaire, qui font la normale, à savoir que ce qui vient troubler ces discours parfaitement bien établis, ça ne sort jamais que des cas où on a besoin en somme psychanalyse, c'est-à-dire des cas de vérité. Ça ne les réduit pas à l'indignité, ce que je dis, qu'ils ne soient pas normaux. C'est qu'ils ont, avec la vérité, une espèce comme ça, parenté, qui tient au fait qu'ils sont dans le joint où ça ne marche pas pour un seul réel, à savoir ce qu'il en est du rapport sexuel. Il est donc, bien entendu, je me livre là comme ça, des remarques qui me semblent utiles à vous faire, pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Il est donc bien entendu que le discours analytique ne consiste pas du tout à faire rentrer ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans le discours normal, hein, dont je viens de dire. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas du tout de les faire rentrer. Simplement de noter que le discours qui ne procède que par le dire vrai, c'est justement ce qui ne va pas, comme c'est toujours démontré, quelqu'un fasse un effort pour dire vrai, pour que ça dérange tout le monde. Je reste là simplement, chose à leur contexte. Ce que je veux simplement faire remarquer, c'est en constituant cette faille du dire vrai avec la science du réel, en la reconstituant pour ce qu'elle vaut, en la reconstituant à la place même où elle se situe, je ne ferme là, bien loin de là, aucun système du monde, bien au contraire. Pour qu'un système du monde existe, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'y faire des suppositions. Ce qu'il y a de plein d'arêtes, je veux dire de stimulant. Dans un discours comme celui d'Aristote, qui n'était sûrement pas un homme, ni même un con. Ce qu'il y a de stupéfiant, c'est que il n'y a pas de texte où ce soit plus clair, ce qu'on appelle supposition. Cette distinction que je viens de vous articuler aujourd'hui entre le dire vrai et la science du réel, j'ai appelé ça comme j'ai pu, mais le dire vrai, il est là, c'est ce que j'essaye de faire. La science du réel, c'est quelque chose qui est la logique et qui aussi tient debout, n'est-ce pas? Qui tient tient debout, pour ceux qui savent, bien sûr, s'y retrouver. Hein. La distinction. Et quelque part, je peux vous montrer où, quelque part, dans les premiers analytiques. Hein. 1,37, là. Oui, 1,37. Non, c'est au... Si vous prenez le repérage sur les manuscrits, n'est-ce pas, c'est vers la septième ligne de la page des manuscrits, de ce qui est numéroté par le 49A. Bon, le 37, c'est la division de la traduction. Il s'agit des différentes espèces d'attributs, les expressions. Non, c'est pas ça, c'est plus loin. Ah, il faut aussi opérer l'échange des... C'est plus loin, n'est-ce pas? C'est au 49B, au contraire. Il faut aussi opérer l'échange des termes de valeur identique, mot pour mot. Locution pour locution, mot et locution l'un pour l'autre, et toujours préférer un mot à une locution pour faciliter ainsi l'exposition des termes. Il a l'air de ne parler que de sa petite affaire. Mais c'est quand il donne un exemple. Par exemple, il n'y a aucune différence entre dit. Et alors, à ce propos-là, il dit quelque chose de vrai. Mais, si je puis dire, c'est bien un hasard. Vous allez voir ce qu'il dit de vrai. L'objet de la supposition n'est pas le genre de l'objet de l'opinion. Et dire l'objet de l'opinion n'est pas identique avec un certain objet de position, car le sens est le même dans les deux jugements, au lieu de la locution énoncée, il vaut mieux poser comme terme, en les bloquant, et ça, il appelle ça upolepton, c'est-à-dire objet de la supposition, objet de l'opinion, docaston. Doxaston, pardon, fatigué. Qu'est-ce que c'est que l'objet de l'opinion? Ben, l'objet de l'opinion, c'est ce qui marche. L'opinion, elle est aussi vraie que quelque chose d'autre. L'opinion vraie, c'est justement là-dessus que se casse la tête Platon dans le Ménon. L'objet de l'opinion, c'est ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas que, jusqu'à ce que ça vous tombe sur la tête, naturellement, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. L'objet de la supposition n'est pas identique, dit-il à cette occasion. C'est-à-dire que tout ce dont il nous parle pendant tous les premiers analytiques, c'est quelque chose qui nous fait comprendre combien, quand on est dans l'ordre du réel, il faut faire de suppositions. Dans l'ordre du réel, nous sommes tout le temps forcés de supposer, nous sommes forcés de supposer toutes les choses les plus folles, l'esprit, la matière aussi, quelquefois. Et même quelques histoires du genre, n'est-ce pas, qui sont heureusement un tout petit peu plus rapprochés, mais qui n'en sont pas moins suppositionnels. J'essaie ici de procéder par une voie où je ne fasse pas de supposition, où je ne soupçonne rien d'être suspecte. Puisque la supposition, ça a ce versant-là. Oui, dans Aristote, il appelle ça l'hypokeimenon, quelquefois, mais là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on ne peut traduire en latin que par suspicabile, hein? Hypolepton. C'est le soupçonnable, bien sûr, le soupçonnable, c'est très respectable, comme le reste, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous faut soupçonner comme étant réel. Et ça mène très loin. Ça mène à toutes sortes de constructions. L'important serait peut-être d'en rester à ce que seul permet d'affirmer la science du réel, à savoir que le noyau de tout ça, c'est avant tout la logique, c'est-à-dire ce qui n'a jamais réussi à avancer d'un pas, d'un quart de pas, d'un bout de nez de pas, que par l'écrit, ce qui est quand même quelque chose. Bon, je vous ai raconté ça, puis je ces effets-là, mon neveu Roméen. Faut bien que vous vous imaginiez ce neveu Roméen-là. C'est, si je puis dire, le seul qui se présente décemment, si je puis dire. Oui. Il se présente décemment parce que il a la place pour se déployer. Enfin. Mais ça ne l'empêche pas d'être facilement l'objet de toutes sortes de déroutements. Vous y remarquerez, par exemple, qu'il est très facile d'y retrouver, par exemple, les trois plans de référence des coordonnées cartiennes. C'est bien ce qu'il a de fallacieux. Parce que les coordonnées cartésiennes, c'est quand même tout autre chose. C'est quelque chose qui seul fait, enfin, que ça implique la surface comme existante, hein, est à la source de toutes sortes d'images fallacieuses. Le moreuil géométrico qui a suffi pendant des siècles à assurer beaucoup de choses d'un caractère prétendument démonstratif sort tout entier de là. Le fait que le caractère fallacieux ne fasse pas et démontré pas. Quand j'essayais de là, avec l'appareil, là, l'homme de mon style. Depuis quelque temps, enfin, je pense, pour qu'il en ait en revient, à savoir, le joint où les trois ronds, ça se noue ensemble. Et où ça se noue, enfin, de façon qui est propre à parler, concis. C'est-à-dire, c'est la façon qui vous permet, par exemple, de voir que c'est comme ça que ça se coince. Hein? Et voilà. Les nœuds se rejoignent pour définir quelque chose tout autre défini point, à savoir le point des trois ronds coins. Oui, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu afin de vous raconter aujourd'hui, mais parce qu'après tout, j'avais envie d'improviser. Je me suis laissé entraîner comme ça à vous dire d'autres choses. Ça a une suite, bien sûr, ça aura une suite la prochaine fois. Je voudrais tout de même vous faire remarquer qu'il y a des points dans les premiers analytiques. Par exemple, entre autres, il y en a d'autres. Il y a des points de la logique, il y a des points de l'organon, où nous voyons tout d'un coup Aristote lui-même, savait rudement bien si c'est, n'est pas sans achoper. Je veux dire sans laisser sortir ce qui, en fin de compte, le tracasse comme tout le monde. Il y a une histoire, par là, il faudra que je retrouve ça, je vais le retrouver tout de suite. Bon, oui. Au 68A, page des manuscrits, toujours. Il y a quelque chose d'inouï. D'abord, je vous ai parlé tout à l'heure du tout-a et bêta, du tout-bêta et gamma, et de ce qui s'en déduit, que tout-alpha et gamma, il interroge, en apparence, ce qu'il résulte de ceci, d'inverser la conclusion, à savoir, par exemple, dire que tout-gamma est alpha. Il en montre les conséquences bouleversantes, à savoir que la conclusion, il va falloir la mettre à une autre place, à savoir à la place majeure ou mineure, pour que ça aboutisse à proprement parler à une conclusion qui est celle qui inverse une des prémices. Tout ça n'a l'air de rien. Tout ça n'a l'air de rien et ça n'est certainement pourtant pas rien parce que c'est à cette occasion que commence à sortir quelque chose, à savoir les qualifications qui s'appliquent à toute espèce d'être. Il faut vous dire que je vous ai épargné ceci. C'est à quel point l'usage du terme hyperkeil, appartenir à, fait problème. Parce que dans sa définition de l'universel, il est tout à fait hors de question de donner un sens univoque à cet appartenir à. Il est impossible de savoir d'une façon univoque si le sujet appartient au prédicat ou si le prédicat appartient au sujet. C'est selon les passages. Il ne se peut pas, bien sûr, que quelqu'un d'aussi vigilant que devait être Aristote ne s'en soit pas aperçu. Quoi qu'il en soit, dans ce chapitre, ce tout petit chapitre qui est bien instructif, on voit par progression et par cette progression qui consiste à ce que d'être universel bien défini, il passe à tous les êtres, il est très singulier que ce soit à propos de ça, que sorte, mais comme une irruption, le passage suivant. Si donc, textuel, tout amant, en vertu de son amour, préfère A. C'est pas préférer A, hein, c'est A, le A écrit. Savoir que l'aimé souhaite poser, à lui accorder ses faveurs. Ça se dit suneinai, aller ensemble. Sans toutefois les lui accorder, ce que nous figurons par gamma. C'est donc non suneinai. Pour appeler ça par leur nom, ils ne couchent pas avec lui. Plutôt que de voir l'aimé lui accorder ses faveurs, ce qui est figuré par delta. C'est merveilleux. Donc, delta, hein, et G. Qu'est-ce que nous appelons ça, ça. Comment bêta se tourne pas. Ah oui. Et donc, 4, ne pas les lui accorder. Plutôt que de voir, etc. Bêta. Bon, alors, il est évident que alpha, c'est-à-dire être posé, ce qui passe pour Aristote, pour l'aimer, n'est-ce pas? Il est évident que l'objet de l'amour, être posé à lui accorder des faveurs, c'est ce que dans Aristote, par tête, il a porté une philéitale. Bon, aimer son philéitale. Il s'agit pour lui de démontrer ceci après ce passage concernant la conversion, tout à fait spécialement la conversion des prédicats qui cernait. Il s'agit que si on part de ce la conjonction de cet art avec ce pétanien. Être aimé par le partenaire qui ne vous accorde pas ses faveurs. Si on pose dessus est préférable à la contraire, c'est pas savoir que vous accordez pas le sens de ce mot autant, il démontre que si on pose ceci, c'est l'objet de sa démonstration. Il en résulte que la fin de l'amour a quelque chose. Si on la pose, il en résulte. En effet, inévitable à admettre que le suneinai vaut moins que le charizestai, à savoir cette bonne disposition qui témoigne d'être aimé. Le surgissement à cet endroit est d'une façon qui est d'autant plus problématique qu'elle est absolument caractéristique de l'amour en tant qu'homosexuel. Une chose tout à fait frappante concernant, si je puis dire, l'éruption au milieu de ce que j'ai défini comme étant si articulé comme la science réelle, comme l'éruption en un certain point, un point qui, je répète, 68, auquel j'ai pris portée. Quelque chose qui est vraiment l'irruption du vrai et d'un vrai qui est justement un vrai dont il n'y a en fin de compte que l'approche, puisque le problème dont il s'agit est justement celui d'un amour qui en fin de compte ne concerne que par l'intermédiaire jouissant du sunainai dont il s'agit, à savoir du jouissant enfin, parfaitement localisé et homologue, homogène, enfin, celle qui fait qu'en fin de compte, s'il y a en effet quelque chose que permet la non-existence du rapport sexuel comme tel, c'est très précisément que l'homoios en est assurément quelque chose comme un pas sans doute, mais un pas, en quelque sorte, qui confirme, qui appuie la non-existence du rapport. Et c'est sur quoi je voudrais conclure, n'est-ce pas, que pour autant que c'est autour de cet X qui s'appelle le phallus que continue à tourner, que parce que c'en est à la fois la cause et le masque, la non-existence sexuelle. J'annonce, si je puis dire, le thème de mon prochain siècle. Pour ce qui en est de l'homme, et d'abord, quand je dis l'homme, je l'écris avec un grand L, n'est-ce pas ? À savoir qu'il y a un tout homme. Pour l'homme, l'amour, j'entends ce qui s'accroche, ce qui est dans la catégorie imaginaire. Pour homme, l'amour, ça va sans. L'amour, ça va sans dire, parce qu'il lui suffit de sa jouissance. C'est d'ailleurs très exactement pour ça qu'il comprend rien. Mais pour une femme, il faut prendre les choses par un biais, n'est-ce pas ? Si pour l'homme, ça va sans dire, parce que la jouissance couvre tout, y compris que, justement, il n'y a pas de problème, concernant ce qu'il en est de l'amour. La jouissance de la femme, c'est là-dessus que je terminerai aujourd'hui, la jouissance de la femme, elle, ne va pas sans dire, c'est-à-dire sans le dire de la vérité. Allez, mettez-moi tout ça à la planche, je suis absolument épuisé.